Exercice 13, page 109. J'ai dû écrire une dizaine de ces romans d'aventure, probablement un par semaine. Je ne faisais rien lire. Je gardais toutes ces œuvres, qui me semblaient d'une qualité inestimable. C'était sans doute la meilleure excuse, en réalité, pour ne rien montrer à personne.